کی اذنی فکری کہ تم ایک میت پی ایک دم تیروں کا سنتے Wembadio est le Molière de la chanson. À la différence de Molière, le Sirossi n'était pas malade imaginaire. La scène dont il était si amoureux a refusé de le rendre à son public et à ses amis. Bravo l'artiste. Alexis Vincent Gomez, Claude Maman Goulia, Hugues Bolognini. Dans la lune de septembre, en avril, il fallait que les alentes le premier avril. Mpanaboya, Kondimansango, Aliwanayo, Mponaloba, Kreisa, les poissons, en avril, Papa, Wimba. Mponaboya, Kondimansango, Aliwanayo, Mponaloba, Chantal Luanba. Et si maman te fait coquin pour s'y laisser, souffrant sur la corde, on a créé plus jamais. T'as croyé pas plus jamais, mon gongo, y'a un livre, princesse, y'a Elle est dans la chambre, elle est dans la monde, elle est dans la monde, elle est dans la monde, elle est dans la monde, elle est dans la monde, elle est dans la monde, Tout au bas, Angelo Central, Ndokusa. Et mon vieux Domingo. Elle est cachandoli, le violo. Elle est cachunami. Papa, maman, que y'a y'a. C'est une jeune parole. Maman, maman, mini. Papa, la kadi. Kouya, kate. Moui, kasson. Bato, moussousou, bongo, à moto. Kouki, jamais, pour imaginer qu'un jour, la rue, moussi, ça vous a là. Peut-être que vous allez jamais vous allez qui se séparer dans ma troupe là. Oui, ma vie. J'ai pris ça qui t'aime et j'ai pas été mort. Catastrophe. La vie c'est rien. La vie c'est zéro. Tobanga Nzambe, Kouter Soukambundo, Lende Lokopani, Tosala Bankana Tinate, Rinana Tinate, Chibua Pula, Lalina Laye, Lalina Laye, Wema Yemana Lokende, Torma Tezizida, Oncle Restioka, Pampe Sebaste Kaka, Sibilo Bolibi. Dans l'automne, il y a ta lavango. Ma termite va se caquer. Dans l'automne, il y a ta lavango. Pour basi la catédi. Et va gâter l'engue d'abi ma kenzambi. Ils sont morts tous à bafoumi. Adélie, et toi ton te tous à bafoumi. Joseph Berthier, Louis Katumbi, Sampengombe Atika la vraiment solitaire JMK